Mélancolie, tu m'enveloppes des souvenirs de mon passé. Est-ce le temps des amours mortes et des regrets que l'on emporte? Il me revient d'une chanson depuis longtemps, si bien caché, un air de danse où je m'avance, le cœur battant pour l'inviter. Mélancolie, tu m'étourdis des souvenirs de mon passé. Ce sont ses yeux où je me noie, c'est son sourire ma grande joie. C'est son parfum qui m'investit, un souvenir qui reste là. Ce sont ses mains posées sur moi, c'est elle blottie entre mes bras. Mélancolie, tu me fais mal, des souvenirs de mon passé, tous ces poignards de jalousie, tous ces mensonges qui nous inondent, pour faire mourir un bel amour, des yeux baissés et qui me fuit, un dos tourné et qui me blesse au fond du cœur à tout jamais. Mélancolie, tu me meurtris des souvenirs de mon passé. C'est une vie, un beau destin qui se réduit au quotidien. Un intérêt bien envolé pour des projets abandonnés, une blessure que l'on suture avec le temps comme l'on peut. Mélancolie, garde-les-moi, les souvenirs de mon passé. Ils sont en moi, j'en ai besoin pour bien l'aimer en grand secret, comme une épine au fond du cœur que l'on garde pour son bonheur. Il court toujours ce temps maudit qui fait souffrir bien des amants.